Bonsoir, messieurs, mesdames, et bienvenue au Cirque Aquatique Magique. À votre compagnie, François Gécouillard, c'est pour moi un grand plaisir de succéder à l'émission La Caresse. On va poursuivre. Spécial aujourd'hui, Fred Carrier. Qui est Fred Carrier, me direz-vous? C'est le chanteur des Zéphyr Artillery. Un gars fort sympathique, dont les hasards de la vie m'ont fait tomber dessus. Il y avait des problèmes d'informatique. Je l'ai aidé et d'entremise. Il m'a prêté plein de musique. C'est un grand amateur de musique, un collectionneur, un gars qui a déjà travaillé chez CD Meloman. Alors c'est fatalement quelqu'un qui s'y connaît un peu. Donc aujourd'hui spécial, Fred Carrier, beaucoup de chants traditionnels, beaucoup de musique du terroir, de la musique de fond, de sous-sol, qu'on pourrait qualifier. Si vous connaissez le concept du cirque aquatique magique, je vous l'explique. Cette émission est dédiée à la bonne musique. Commençons tout de suite avec des pièces tirées d'une compilation. La compilation est intitulée Classic Maritime Music from Smithsonian Folkways Recordings. Ce sont des chants de marins. Et on commence tout de suite avec Lead Belly et Haul Away Joe. Il est 11h, c'est presque le temps d'aller se coucher. Si vous avez des commentaires à faire, 529-90-26, pourquoi pas. Shiny boys is working. Way all the way, we'll hold. When the boys all get tight and some of them don't give down. For the rest in way, haul away, holler, haul away, Joe. Way, haul away, we'll hope for better weather. Way, haul away, we'll haul away, Joe. Et ça, je trouve que c'est complètement effrayant parce qu'il n'y a pas vraiment de débat dans la société, toi. On parle de l'hôpital à deux vitesses, c'est vrai qu'on s'en va vers ça, toi. Mais on a l'école à deux vitesses puis personne ne se choque de ça. Et ça, c'est encore pire parce que c'est l'avenir de la nation qu'on prépare. Moi, je viens de mieux comme ça, toi. Il y avait deux secteurs. Secteur public, secteur privé, tu sais. C'est de la merde, ça. On the eastern shore. Oh, yes, oh. 100 years on the eastern shore. 100 years ago. Oh, when I sailed across the sea. Oh, yes, oh. My gal said she'd be true to me. 100 years ago. I promised her a golden ring. Oh, yes, oh. She promised kiss me, that little thing. 100 years ago. I wish to God I'd never been born. Oh, yes, oh. Took a rambling round and round Cape Horn. 100 years ago. Around Cape Stiff where the wild winds blow. Oh, yes, oh. Around Cape Stiff through sleet and snow. 100 years ago. Around Cape Horn with frozen sails. Oh, yes, oh. Around Cape Horn to fish for whales. 100 years ago. Oh, Bully John from Baltimore. Oh, yes, oh. I knew him well on the eastern shore. 100 years ago. Oh, Bully John was the boy for me. Oh, yes, oh. A bucko on land and a bully at sea. 100 years ago. Oh, Bully John, I knew him well. Oh, yes, oh. But now he's dead and gone to hell. 100 years ago. Nous avons entendu dans ce bloc 100 Years Ago de Ewan McCall, Peggy Seeger et A.L. Lloyd. Juste avant, c'était de Shenandoah X du groupe Seaman's Institute. Et la première pièce était All Away Joe de Lead Belly. Tous trois tirés d'une compilation nommé Classic Maritime Music from Smithsonian Folkways Recording. Ce sont tous des chants de marins. Et c'est quoi, c'est le Smithsonian Folkways? Ben, c'est un album qui a été produit par le Smithsonian Institution. Et ces enregistrements-là proviennent d'une collection d'un type qui s'appelle Moses Ash. Et lui, il avait une politique que dans son testament, il demandait à l'institution, il demandait que chaque un album sur 2000 devait être in print, donc devait être accessible, il devait avoir des exemplaires disponibles de un album sur 2000 pour toujours. Donc il y a un album qui sélectionne sur 2000 et cet album-là doit toujours être imprimé, ce qui permet évidemment de conserver la culture vivante. Les cultures anciennes qui seraient menacées de disparaître sont ainsi soutenues par le Smithsonian Institute. Aujourd'hui, c'est un spécial Fred Carrier tiré de la collection personnelle de cet individu que je pourrais même qualifier d'ami. Vous écoutez le Cirque Aquatique Magique à Sequoia 88.3 en votre gaillarde compagnie François Gécouillard. Et là, si vous restez bien branchés, vous allez entendre des choses assez particulières dans cette collection. On va entendre toutes sortes de choses étranges. En radio, ils nous apprennent à lancer des carottes aux auditeurs. Par exemple, tout à l'heure, je vais vous faire jouer des extraits de l'album « Ton sexe et l'autre ». Un message au 10-12. Alors, faut que vous restiez bien branchés. Sinon, ben, pour l'instant, on va écouter, tiens, pourquoi pas. Oscar Tifo. On parle beaucoup de hockey de ce temps-ci, avec l'amphithéâtre, là. Les Nordiques reviendront-ils? Reviendront-ils pas? Une pièce d'Oscar Tifo sur Maurice Richard. Et qui sait, peut-être une surprise. Oh là là là là là là là là. 529-90-26. On a-tu du plaisir? On a-tu de l'agrément? We'll be right back. Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. Voulez-vous ma recette, je vais vous la donner. Voulez-vous ma recette, je vais vous la donner. Ouvrez vos deux oreilles et tentez d'écouter. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. Les adversaires ont peur devant nos tricolores. Les adversaires ont peur devant nos tricolores. Quand sur la ligne de punch ils voient Maurice Richard, c'est Maurice Richard qui est populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. Ils sont sur la défense, nous en faut attaquer. Ils sont sur la défense, nous en faut attaquer. Car le roquette est là pour les bloquer. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. Un des meilleurs compteurs depuis plusieurs années. Un des meilleurs compteurs depuis plusieurs années. Et tout le public est tout émerveillé. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard. Par un dimanche au soir en jouant à Boston. Par un dimanche au soir en jouant à Boston. Vous auriez dû voir les fameux coups de bâton. C'est Maurice Richard qui est si populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est si populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. Mais quelques jours après, il a été suspendu. Mais quelques jours après, il a été suspendu. On a été chanceux qu'il ne soit pas vendu. C'est Maurice Richard qui est si populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est si populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. Comme un bon Canadien, il a accepté son sort. Comme un bon Canadien, il a accepté son sort. Il reviendra compter pour le Canadien encore. C'est Maurice Richard qui est si populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est si populaire. C'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'attarder, c'est dur de l'aimer, cet homme l'est. C'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'attarder, c'est dur de l'aimer, cet homme l'est. Souvent, il m'est arrivé. Même si je n'ai pas beaucoup voyagé, souvent il m'est arrivé de rencontrer des hommes laids. C'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'attarder, c'est dur de l'aimer. Cet homme l'est. C'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'attarder, c'est dur de l'aimer. Cet homme l'est. Hier soir, comme je rentrais, je me suis frappé à un homme laid. Il était vieux, il buvait, il m'a parlé de choses. C'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'attarder, c'est dur de l'aimer, cet homme l'est. C'est dur de s'arrêter. m'a parlé de choses qui m'ont renversé, de choses dont même mes amis n'ont jamais osé me parler. C'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'attarder, c'est dur de l'aimer, cet homme-là. C'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'attarder, c'est dur de l'aimer, cet homme-là. J'ai compris lorsque je suis devant un homme laid. J'ai compris lorsque je le trouve ainsi, c'est qu'il me montre que je suis laid. C'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'attarder, c'est dur de s'aimer, moi qui suis laid. C'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'attarder, c'est dur de s'aimer, moi qui suis laid. C'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'attarder, c'est dur de s'aimer, moi qui suis laid. C'est dur de s'arrêter, c'est dur de s'attarder, c'est dur de s'aimer, moi qui suis laid. Facile, mini-pot. Je vais dans la rivière pour pêcher du poisson zonzon. Rencontre une jolie fille qui s'en allait du long. Là, tu fais des pignolés, là, tu fais mouiller, là, tu fais des culottes, rigodé, rigodon, rigodaine. Touchez, on touchez pas, touchez-y pas, laissez ça, l'homme m'en va pas, puis bonhomme le sera pas, puis tape la bisoune, puis t'apporte la bisoune, puis t'approche encore, puis t'approche toujours. Moi, j'suis pas ça pour faire des farces, moi, j'suis pas ça pour rire. Rencontre une jolie fille qui s'en allait du long zonzon, je lui ai demandé, aimez-vous le poisson? Là, tu fais des pignolés, là, tu fais mouiller, là, tu fais des culottes, rigoté, rigodon, rigodaine. Touchez pas, touchez-y pas, laissez ça, l'homme m'en veut pas, puis bonhomme le sera pas, puis tape la bisoune, puis t'approche la bisoune, puis t'approche encore, et puis t'approche toujours. Moi, j'suis pas ça pour faire des farces, moi, j'suis pas ça pour rire. Moi, j'suis pas ça pour faire des farces, moi, j'suis pas ça pour rire. Je lui ai demandé, aimez-vous le poisson zonzon? Elle me répondit oui, excepté les turgeons. Là, tu fais des pignolés, là, tu fais mouiller, là, tu fais des paysés, rigodé, rigodon, rigodaine. Touchez-y pas, laissez ça, la maman va pop, puis bonhomme le sera pop, puis tape la bisoune, puis t'approche la bisoune, puis t'approche encore, et puis t'approche toujours. Moi, je dis pas ça pour faire des farces, moi, je dis pas ça pour rire. Moi, je dis pas ça pour faire des farces, moi, je dis pas ça pour rire. Elle me répondit oui, excepté les turgeons, zonzon. À cause qu'ils sont comme vous, ils ont les nez trop longs. Là, tu fais des pignolés, là, tu fais mouiller, là, tu fais des culottes, et rigodé, rigodon, rigodaine. Touchez pas, touchez-y pas, laissez ça, la maman veut pas, puis bonhomme le sera pas, puis tape la bisoune, puis t'approche la bisoune, puis t'approche encore, et puis t'approche toujours. Moi, j'dis pas ça pour faire des farces, moi, j'dis pas ça pour rire. Moi, j'dis pas ça pour faire des farces, moi, j'dis pas ça pour rire. Et on va le prendre au mot, ce cher Oscar Tifo. Moi, j'fais pas ça pour faire des farces, moi, j'fais pas ça pour rire. Une petite pièce comme ça, du fond de terroir, tiré de la collection personnelle de Fred Carrier, chanteur de Zéphir Artiri et bon copain avec lequel je suis allé prendre une bière avant de venir au show à la radio. à la taverne. Voyons comment ça s'appelle, j'ai un blanc. La fameuse taverne. Bon. Et on a entendu glisser entre deux pièces de Scott Tifo, Denis Veilleux. Et la pièce L'homme laid. Évidemment, laid avec un D. Quelqu'un de pas très joli. Quelle était la morale de cette histoire? J'ai vu qu'il était laid, j'ai vu qu'il sentait mauvais. Et je me suis rendu compte que c'était moi qui étais laid, finalement. Ah! Un message comme ça, de compréhension, d'amour. C'est d'ailleurs le message de Jésus qui essayait de nous passer, parce que ce snoro de Denis Veilleux est le général de Red... Le général, ouais, le directeur... le directeur de la radio Galilée! Oui, la radio de Jésus. Et le snoro de Denis Veilleux, il fait de la musique. Et d'ailleurs, sur le site internet de Radio Galilée, on peut voir tous les albums que Denis Veilleux a lancés. Denis Veilleux, qui est né à Saint-Georges-de-Beauce. Oh! Oui! Maîtrise en théologie. C'est un abbé. Donc, quelqu'un de très impliqué dans la vie de Jésus. Et la première pièce du bloc, c'était encore Oscar Tifo. Maurice Richard. Oscar Tifo, que c'est ça, Fred Carrier m'expliquait avant l'émission, que lui, il s'amusait à prendre comme ça des pièces d'actualité. Et il faisait des chansons là-dessus. Et la pièce sur Maurice Richard a été écrite quelques semaines après l'espèce de gros scandale sur Maurice Richard qui avait été retiré de la Ligue ou je sais pas trop quoi. Voilà. Un hommage à Maurice Richard et à Fred Carrier aujourd'hui au Cirque Aquatique Magique en votre compagnie François Gécouillard à la radio de la bonne humeur CKIA 88.3. Si vous voulez m'appeler, 529-9026, 529-9026. Aujourd'hui, on fait un spécial Fred Carrier. Et on va écouter très bientôt Ton sexe et l'autre. Un message au 10-12. Alors, vous restez bien branchés. Il reste encore une demi-heure à cette émission-là et ça se peut qu'on déborde parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique à vous faire jouer. On va aller écouter un petit peu de Leonard Cohen, tiens, pourquoi pas. Bird on the Wire. Like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, I hope you know it was never to you. Oh, like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I song, and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden cross. Said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask for a drunk in a midnight choir. I have tried in my way to be free. À l'échelle internationale, comment se compare la consommation d'énergie du Canada par rapport aux autres pays? En termes de par capita, donc on est les premiers au monde par capita, avec 11 quelques tonnes en moyenne. Si on transforme tout ça en tonnes équivalentes de pétrole, là, il y a différentes unités, donc à peu près 11 tonnes de pétrole par habitant, ce qui est un peu plus que les États-Unis, à peu près 0,2 tonnes de plus, ce qui est 3-4 tonnes de plus que les Européens. Donc on fait vraiment figure d'exception. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Les amants étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. Shh. the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow. Oh là là, le retour est un peu brutal. Suite à cette pièce, somme toute, assez dramatique, interprétée par Leonard Cohen. C'était de Partisan. Une chanson originellement en français, La Complainte du Partisan. Qui est une chanson qui a été écrite lors de la Deuxième Guerre mondiale à Londres par Emmanuel d'Astier de la Vigne de la Vigerie. Et ça a été diffusé à la BBC à la direction de la France occupée. Et même que, bon, il devait larguer les disques de cette, avec cette pièce-là par avion. Il y a des avions, il y a des disques qui ont été détruits par la DCA allemande, par les l'armement anti-aérien allemand. Et La Complainte du Partisan est devenue une chanson populaire dans les années 50. Et elle a été interprétée par toutes sortes de gens. Et suite à la reprise de Leonard Cohen, elle a été réinterprétée par Bertrand Cantat, qui est chanteur de Noir Désir aussi. Et juste avant, c'était quoi? Je m'en souviens même plus. C'est sûr que ça sert une musique de fond. Like a Bird on the Wire de Leonard Cohen. Et entre les deux, il y a de la propagande. Le cirque aquatique magique, comme ça, je glisse des pièces de propagande à travers la musique. Parce qu'on apprend aussi. Ou on peut se divertir. On peut pleurer en écoutant cette émission-là. Il n'y a pas de problème. Et si vous voulez vous confier à moi, 529-9026, François Gécouillard prend tous les téléphones. Parce que je vous aime, public adoré. Oh que oui! Et là, on va commencer ça sur les chapeaux de roue. Je vous l'ai promis, je vous l'offre. Ton sexe et l'autre. Un message au 10-12. Ça est un disque qui est enregistré par l'Atelier de sexologie. Et on va entendre, attends un peu, il faut que je vous décrive quand même un peu la pochette. Noir et blanc, il y a une fille, une jeune fille et un jeune garçon. Avec les dents bien en évidence. Visiblement, le jeune garçon a un problème de dentition. Et là, derrière, il y a des témoignages, hein, parce que c'est un album comme ça qui veut expliquer le sexe aux enfants. Alors, il y a quelques témoignages. Et le narrateur, c'est pas n'importe qui, c'est Henri Bergeron. Et parmi les témoignages, je vais vous en livrer quelques-uns. Un message humain, simple, bouleversant. Que j'aurais aimé entendre ceci à 12 ans. Je n'aurais jamais cru que c'était aussi beau et aussi grand qu'être une femme. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Si j'avais entendu ceci il y a 10 ans, ma vie en aurait été probablement changée. Ce sont des témoignages qui ne sont pas signés. Alors on peut se douter que ce ne sont pas des vrais témoignages. Mais oh, c'est mon esprit tordu qui pense ça. Évidemment, c'est pas possible de savoir, alors c'est à vous d'interpréter. Et là, on va écouter la pièce, en tout cas l'extrait qui s'intitule « Homosexualité ». Pourquoi? Ben parce qu'évidemment, il y a quelques jours, il y avait la fierté gay. On commence ça tout de suite, et peut-être même qu'on va mixer ça avec de la musique. Oh! C'est parti! Un autre danger est souvent pressenti par les parents. Il arrive souvent que les jeux sexuels, en particulier, se passent entre enfants du même sexe. Oh là là! Soit des garçons ensemble, soit des filles ensemble. Il est compréhensible que l'on préfère d'abord des amis pour ces jeux. Ces amis avec qui le garçon ou la fille a longtemps parlé de toutes sortes de choses, y compris de sexualité. C'est naturel. Comme rencontrer l'autre sexe est une expérience plus difficile, plus émouvante en un sens, il arrive souvent que le garçon ou la fille cessez d'abord avec des garçons ou des filles du même sexe. Mm-hmm. Mais avoir une expérience sexuelle entre gens du même sexe, n'est-ce pas ce qu'on appelle l'homosexualité? Quand deux personnes du même sexe vivent ensemble, comme s'ils étaient mariés, et se donnent le plaisir complet l'un à l'autre, on dit qu'ils sont homosexuels. On mixe! Il peut y avoir des couples homosexuels. Il peut y avoir des couples homosexuels d'hommes et des couples homosexuels de femmes. Ces dernières sont habituellement appelées lesbiennes. Oh! Quand deux filles de 12 ans, de 13 ans, se déshabillent ensemble, ou même se touchent, et y trouvent du plaisir. Cela ne veut pas dire qu'elles sont lesbiennes. Cela ne veut pas dire qu'elles sont lesbiennes. Sont lesbiennes. Biennes. Dire qu'elles sont lesbiennes. Et y trouvent du plaisir. Cela ne veut pas dire qu'elles sont lesbiennes. Elles satisfont leur curiosité. Le seul fait qu'elles aimeraient voir aussi des garçons montre bien qu'elles ne sont pas de petites lesbiennes. On peut danser ! Même chose pour les garçons. Ce qui pourrait conduire à l'homosexualité ou curiosité pour l'autre sexe ne se développe soit chez le garçon, soit chez la fille. Tu comprendras que les parents, pensant à l'homosexualité, à propos des jeux sexuels, s'inquiètent. Il y a tendance à être sévère. Mais le meilleur moyen de passer à travers l'expérience sans prendre une tangente homosexuelle, c'est encore de favoriser les rencontres entre garçons et filles dans un climat chaleureux. Favoriser les rencontres! Enfin, une dernière peur des parents... peut venir de ce que les adultes viennent se mêler à ces jeux d'enfants. Oh, les jeux d'enfants! Les adultes aussi ont des curiosités sexuelles. Et même des besoins sexuels. Je ne sais pas c'est quoi un besoin sexuel! Et ils peuvent vouloir les satisfaire avec des enfants, en leur demandant de les masturber. Ou de faire l'amour avec eux. Il est certain que la loi est très sévère à ce sujet. C'est troublant! Et qu'un adulte qui serait pris à faire cela... The Pogues! And he had too many pairs, so I sat to see the grieving of the people down there. And he took the road for God knows in the morning. We walked him to the station in the rain. came back home, he was surprised that they were gone. He asked me all the details of the train that they went on. Some people they are scared to cough, but Jimmy drank until he choked. Took the road for heaven in the morning. We walked him to the station in the rain, and we kissed him as we put him on the train. And we sang him a song, a time's long gone, though we knew that we'd be seeing him again. Sad to say, I must be on my way, so buy me beer and whiskey, cause I'm gone far away. I'd like to think I'll be returning when I can, to the greatest little boozer and to Sally McLennan. Dirty Old Town de Pogues. Une chanson, ma foi, assez triste, assez mélancolique, qui pourrait s'appliquer très bien avec la ville de Québec. Vieille ville sale. C'est assez, une chanson assez spéciale. Je ne sais pas si vous avez tendu l'oreille aux paroles. En fond, ça dit « Ouais, bien, vieille ville sale, vieille ville. » Puis à un moment donné, à la fin, dernier refrain, dernier couplet, il dit « Et je prendrai ma hache et je taperai dedans cette maudite ville laide. » Une espèce de relation un peu tendue, amour-haine avec sa vieille ville laide. Une genre de relation qu'on a aussi avec la ville de Québec. Et juste avant, c'était quoi? Sally McLennan, toujours de The Pogues, le fameux groupe irlandais, dont le chanteur avait comme principale qualité d'avoir une dentition éparse. C'est-à-dire qu'il avait une drôle de dentition. Il se battait souvent à la sortie des bars. Je crois qu'il était homophobe, mais je suis pas certain. Je connais des espions que ça va intéresser beaucoup, beaucoup de savoir ça. Il se battait souvent, et puis comme ça, il perdait toutes ses dents. Et jusqu'à un certain moment, où ça a fini par affecter sa faculté de chanter. Et évidemment, la première pièce du bloc, c'était l'homosexualité. Une pièce tirée de l'album Ton sexe et l'autre, et c'était mixé sur le reel de Drummondville, suggéré par Fred Carrier. Fred Carrier qui me dit « François, ce soir, il faut absolument que tu passes cette pièce-là. » Alors, je l'ai pris au mot. Et j'ai passé cette pièce-là. Fred Carrier, qui est le chanteur de Zéphir Artillery, un gars qui s'intéresse beaucoup au terroir, à la culture, au patrimoine québécois. Et ça donne à être aussi dans le comité de rédaction du Carillon, le journal de Saint-Sauveur. Alors, on a fraternisé comme ça. D'ailleurs, il y avait aussi, avec son groupe Zéphir Artillery, il avait repris des pièces de The Pogues à un certain moment, je crois, à la fête des Irlandais. Il avait joué, comme ça, il avait interprété quelques pièces des Pogues au cercle. D'ailleurs, Zéphir Artillery, il y a un nouvel album qui s'en vient. Surveillez ça dans la prochaine année. Ce n'est pas fini. Non, on va tirer un peu le temps. De toute façon, c'est moi qui ferme la station, c'est moi qui décide. On va écouter des pièces du terroir du Bayou, comment est-ce qu'on appelle ça? La Louisiane, tirée d'une compilation qui s'appelle « Les haricots sont pas salés ». Ça va être « J'ai été au bal des frères Balfa », tiré de la collection de Fred Carrier. Vous êtes en compagnie de François Gicouillard. C'est le Cirque aquatique magique. pas, il veut pas mon accueil donner à la maison. À l'époque de Duplessis, Duplessis se vantait, lui, que le Québec n'avait aucune dette. Mais on peut répondre oui, mais le Québec avait rien. Ça finit raide. C'était la musique Cajun. La pièce s'appelait Chère Toutoute. Toutoute. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça veut dire. C'est probablement. C'est comme dire ma chérie, mon trésor, mon petit ange, mon petit diable. À votre guise. C'était interprété par Bi Fontenot. Et la première pièce du bloc, c'était Les Frères Balfa. J'ai été au bal. Musique Cajun, les Frères Balfa, c'était un groupe qui a joué pour la première fois dans les années 40. Et c'était en quelque sorte les ambassadeurs de ce style musical à une époque où l'impact de la musique de la Louisiane sur la musique américaine avait été oublié. Alors eux, ils ont ressorti ce style-là des Boulamites et ils ont joué plein de pièces comme ça, de la musique Cajun. Les Frères Balfa, c'était tiré de la sélection musicale de Fred Carrier, chanteur du groupe Zephyr Artillery. Et puis mon nom était François Gécouillard. C'était le Cirque Aquatique Magique. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à écouter cette émission. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Même heure, même poste. Si vous voulez réécouter l'émission, jeunefou.blogspot.com. C'est pas plus compliqué que ça. Au plaisir!